إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on commence la partie numéro 9 dans l'explication des masail al-jahiliya. On a fait déjà 9 cours avant sur différents points dans Masail al-Jahiliya, puis on est arrivé, hein, ça correspond hein, aujourd'hui au point où on est arrivé, c'est le point numéro 9. Donc ça veut dire il y a 128 points. On a fait 9 cours, mais on est arrivé au point numéro 9 en même temps, donc ça correspond. Alhamdulillah. Le Cheikh, il mentionne aujourd'hui un autre point parmi les Masail ou les questions qui ont rapport avec la Jahiliya, hein, les choses que les gens de la Jahiliya faisaient ou suivaient, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu opposer. Maintenant, le titre de ce point c'est « Iqtida'uhum bifasaqat al-ulama wa juhal al-ubad ». C'est-à-dire que les gens de la Jahiliya, ils se basaient sur les savants pervers et sur les adorateurs ignorants pour déterminer les choses de leur religion. Et le cheikh il mentionne, il explique ce point. Il dit ابتداءهم بفسقة العلماء وجهال العباد فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc, le cheikh il dit que les gens de la Jahiliya, ils se basaient sur les ulama pervers, ou les ulama qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se basaient aussi sur les adorateurs, les gens qui font beaucoup d'adoration mais qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la religion. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des versets comme, le cheikh il mentionne des versets comme le verset 34 dans Surah Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, sachez que beaucoup parmi les rabbins et les moines mangent les biens des hommes de façon illicite. Ils mangent leur argent et leurs biens de manière illicite. Et ils obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 77 dans Surah Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et n'exagérez pas dans votre religion de manière qui est contraire à la vérité, et ne suivez pas les passions d'un peuple qui s'est égaré auparavant, et qui ont égaré beaucoup de gens, et qui se sont égarés de la droiture du sentier. C'est-à-dire, ils sont sortis de la voie droite. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là maintenant. Il dit, من مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله وفسقة العلماء هم الذين لا يعملون بعلمهم أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون أنهم كاذبون من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء تحت مظلة أنهم علماء والناس يثقون فيهم وفسقة العباد وهم الذين يعملون بغير علم والناس يثقون فيهم ويقولون هؤلاء صالحون Donc, le cheikh, il dit que parmi les questions qui ont rapport avec la jahiliya, il y a le fait que ces gens-là, ils se basent sur qu'est-ce que les ulama qui sont pervers ou qui sont désobéissants, qu'est-ce qu'ils font? Ils les appellent des fasaqa. Fasaqa, c'est le pluriel de fasiq. Et le fasiq, c'est qui? C'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans sa science, ou soit dans ses actions, dans sa pratique. Donc, soit qu'il est pervers dans sa science, dans le sens qu'il contredit la vérité, hein, il oppose la vérité de ce qu'il sait, ou bien qu'il est pervers et qu'il est désobéissant dans ses actions, c'est-à-dire qu'il fait le contraire de ce qu'il ordonne. Et en même temps aussi, il fait ce qui est interdit. Donc. Et le chef a dit que ces gens-là, parmi les ulama, les mauvais ulama si on veut, ou les pécheurs parmi les ulama, ce sont ceux qui n'appliquent pas leur science. Ils savent des choses de la religion, mais ils ne l'appliquent pas. Ou bien, ils disent à propos d'Allah des mensonges, alors qu'ils savent la vérité. Donc ils vont déformer la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux gens. Ou bien, ils vont dire, par exemple, donc l'exemple de ça, c'est qu'ils vont dire qu'une telle chose est halal, ou une telle chose est haram, alors que c'est pas vrai. Ils sont menteurs. Et ils savent qu'ils mentent. Mais ils rendent quelque chose halal, et ils rendent quelque chose haram, dans le but d'arriver à leur désir, et de suivre leur passion. Sous le couvert, ou sous sous l'ombre du fait de dire qu'on est des savants. Donc, écoutez-nous. Hein? Même si ils mentent, ils se basent sur le fait que les gens savent qu'ils sont des savants, alors ils les suivent dans ce que ces savants-là disent, parce que les gens ont confiance en eux. Tu vois? Donc, on a beaucoup d'exemples des gens comme ça à notre époque. On a beaucoup d'exemples des gens comme ça à notre époque qui veulent rendre haram ce qui est halal des choses de la religion, ou qui veulent nier des choses qui sont claires dans la religion, hein, ou bien qui veulent rendre halal des choses qui sont haram, hein, et permettre aux gens de suivre leurs désirs et leurs passions. Donc ça, on en a plein d'exemples de ce genre-là. Peut-être on va mentionner quelques-unes dans l'explication du chef quand il va parler de certains points précis. Et il y en a qui vont même mentir sur des fondements de la religion musulmane, hein, qui vont dire que, par exemple, le shirk c'est permis, ou qui vont rendre certains aspects du shirk ou du kufr légal. Ils vont dire oui, c'est correct, c'est pas du shirk. Hein. On en a plein d'exemples comme ça, des soi-disant ulama qui se prétendent comme étant des ulama, ou qui sont considérés par certains comme étant des ulama, puis qui acceptent le shirk ou qui invitent les gens à tomber dans le shirk, et même certains qui vont même justifier des formes de kufr qu'ils font. Donc les gens leur font confiance et ils les suivent dans ces choses-là. Wa fasaqat al-ubbad, les pervers parmi les adorateurs, ce sont ceux qui pratiquent des actions dans la religion, mais ils n'ont pas de science. Et les gens leur font confiance parce qu'ils disent ceux-là sont des hommes pieux. Donc, comme par exemple ceux qui suivent les voies des soufis, hein, qui font toutes sortes de bid'ah, hein, ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font des danses, ils chantent dans les mosquées, ils tournent en rond, ils pensent que sauter sur place, ça fait partie des adorations, et ils font plein d'innovations au nom de la religion. Et à cause de leur apparence pieuse, les gens commencent à les suivre, puis leur font confiance. Hein. Le cheikh dit, فَلَا يُغْتَرْ بِالْعَالِمِ ولا بالعابد حتى يكون كل منهما مستقيما على دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ذلك بأن حللوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فصاروا بذلك أربابا من دون الله والعياذ بالله. لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا, ليس لأحد أن يحرم أو يحلل حسب هواه وحسب أغراضه ويرضي الناس ويساير الناس. الآن هناك ناس يتحيلون على الشرع ويحلون المحرمات لأجل المسايرة أو مسايرة الناس وإرضاء الناس بزعمهم ويتلمسون الحيل ويتلمسون الرخص أو الكذب على الله بأن الله أحل هذا أو حرم هذا من أجل مصلحة فلان وهؤلاء هم فسقة العلماء والفاسق هو الخارج عن طاعة الله donc le cheikh il dit ne soyez pas trompés faut pas qu'on soit trompé par le savant ou l'adorateur tant hein, on ne doit pas prendre pour acquis ce qu'ils font ou ce qu'ils disent jusqu'à ce que on ait vu que qu'ils sont droits dans leur pratique religieuse qu'ils sont sur la droiture Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des juifs et des chrétiens dans surat Tawbah le verset 34 « Oh vous qui avez cru », on l'a dit tout à l'heure ce verset-là, beaucoup parmi sachez que plusieurs parmi les rabbins et les moines mangent les biens des hommes de façon illicite et ils obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset 31, dans surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs ou comme des égaux avec, ou bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des égaux. C'est-à-dire qu'ils rendent halal ou haram selon ce que leurs moines et leurs rabbins ont dit. C'est eux qui déterminent pour eux ce qui est halal et ce qui est haram. Et ce que leurs moines et leurs rabbins ont rendu haram, ils le rendent haram, même si c'est halal. Et ce que leurs moines et leurs rabbins ont rendu halal, ils le rendent halal, même si c'est haram en réalité. Hein? Donc ils les obéissent dans ces choses-là. Donc ça veut dire que c'est. Ces moines et ces rabbins-là et ces prêtres sont devenus comme des seigneurs pour eux en dehors d'Allah, hein, que Allah nous préserve de ça. Et donc, ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouvait hein, chez les juifs et les chrétiens, et on le retrouve maintenant chez certains musulmans aussi. Hein. Comme l'histoire du verset 31 dans surat Tawbah, pourquoi le verset a été révélé, ou bien une histoire qui se rapporte à la révélation de ce verset-là, c'est Adi ibn Hatim, quand lui c'était un homme qui était chrétien avant, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à l'islam. Donc il est devenu parmi les musulmans, il est devenu musulman, puis il était parmi les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset, « Ittakhadu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah » Ils ont pris leur moine et leur rabbin et leur moine comme des égaux avec en dehors d'Allah ou bien des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Adi ibn Hatim, quand il a entendu ce verset, il a pas compris sa signification. Il a dit au prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous, on les adorait pas. On priait pas, on les prenait pas comme des idoles, on les adorait pas. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il lui a expliqué la vraie compréhension de ce verset. Il lui a dit, n'est-ce pas que ces prêtres, ils rendaient halal ce que Allah avait rendu haram, et vous le rendiez halal. Et n'est-ce pas qu'ils rendaient haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu halal, et vous le déclariez haram à cause de ça. Donc ils les obéissaient dans le fait de rendre halal ou haram les choses, sans se référer à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Adi ibn Hatim a répondu, oui c'est vrai, on faisait ça. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de cette manière-là que vous les adoriez. C'est comme ça que vous les avez pris comme des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui maintenant, si quelqu'un, il sait que quelque chose est haram dans la religion, puis qu'il va demander à un savant ou à un cheikh, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Le cheikh lui dit oui, t'as le droit, c'est permis. Alors que lui, dans son cœur, il sait très bien que ça, c'est haram cette chose, puis il le fait quand même, en se basant soi-disant sur la parole de ce cheikh, alors qu'il sait que la parole de ce cheikh, elle est fausse. Alors, dans ce cas-là, c'est comme s'il avait pris cet homme-là comme un seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait dans son cœur que cet homme-là, il a fait une erreur. Et que ce qu'il dit, c'est faux. Mais il veut suivre ses passions, il veut rendre haram ou Hayzuran Halal, ce qui est haram. Et ça, c'est très grave et c'est très dangereux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se limite aux juifs et aux chrétiens, ça peut même être appliqué dans les questions de, entre les musulmans. Toutefois, si quelqu'un est ignorant, il va demander à un cheikh ou un alim à propos de quelque chose dans la religion. Et que le cheikh lui dit oui, ça c'est halal, tu peux le faire. Que lui il ne sait pas. Et qu'il le fait, alors qu'en réalité c'est haram, parce que là il n'est pas à blâmer. Parce que ce n'est pas de sa faute. S'il l'a fait puisqu'il ne savait pas que ce savant avait menti. Ou que cet individu-là a menti. Mais s'il rend halal ce qui est haram avec connaissance, ça atteint le niveau de kufr. Et c'est dangereux. Hein? Donc, de rendre haram ce qui est halal, de rendre halal ce qui est haram, ça c'est kufr dans la religion d'Allah. Hein? Parce que c'est de dire le contraire de ce que Allah dit. C'est d'opposer la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très dangereux. Et on a, le cheikh il dit, le fait de rendre halal ou de rendre haram quelque chose, ça c'est un droit qui est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui appartient uniquement à Allah. Le droit de légiférer dans la religion, de rendre halal ou de rendre haram, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a le droit de rendre halal quelque chose ou de rendre haram quelque chose selon ses passions ou ses désirs. Ou d'essayer de faire plaisir aux gens et de satisfaire les gens. On a cette tendance-là aujourd'hui chez certains. Certains chouyours, certains soi-disant savants, qui veulent être populaires. Ils veulent se faire aimer de la masse. Alors ils savent que les gens aiment suivre leurs désirs et leurs passions. Les gens, ils aiment la musique. Les gens, ils aiment le cinéma. Les gens, ils aiment, par exemple, se divertir par toutes sortes de choses. Certains divertissements qui sont halal, d'autres qui sont haram. Mais bon, étant donné que les choses sont très répandues maintenant, la musique et les vidéos, les films, les trucs comme ça, ou bien par exemple aussi le théâtre, ou bien des fêtes où il y a de la mixité, ou bien par exemple, quoi d'autre encore, le fait de raser la barbe, par exemple, ou beaucoup d'autres choses, quand ils savent que les gens ils veulent une fatwa qui satisfait leur passion, eux ils vont dire, bon, on va leur rendre ça halal, comme ça, ils deviennent populaires, les gens les aiment, ils disent, ah, ce cheikh-là, il est bon, il n'est pas dur, il nous laisse faire ce qu'on veut, il nous facilite la religion, ça c'est bon ça. Hein? Et ils essaient parfois même de se baser sur un hadith comme Yassiru wala tu'assiru, Bashiru wala tunaffiru. C'est un hadith qui dit rendez la religion facile et ne la rendez pas difficile. Et donnez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir. Vous n'allez pas les faire fuir. Donc ils se basent sur ce hadith pour essayer de rendre halal ce qui est haram pour soi-disant pas faire fuir les gens, parce que ils disent, si tu leur dis ça c'est haram, ils vont fuir. Donc dis-leur que c'est halal, ils vont pas fuir. Et ça c'est grave, parce que tu vas mentir à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, soi-disant pour pas faire fuir les gens. Non, de pas faire fuir les gens en leur mentant, ça c'est quelque chose qui est pire encore. Hein. Donc il faut leur expliquer la vérité et leur dire que c'est haram, mais sans les faire fuir. D'une manière qu'ils vont être capables de l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu vas leur rendre halal pour leur faire plaisir ou des choses de ce genre, parce que ça c'est dangereux. À la fin, il reste plus rien de la religion. Donc il y a des gens qui ont, à notre époque, trouvé plein de moyens de satisfaire les désirs des gens, puis d'attirer les gens. En rendant haram ce qui est halal, ou en rendant halal ce qui est haram. Maintenant par exemple, on a parlé hier de l'exemple du niqab ou du sitar, du burqa, comme il l'appelle, le burqa en arabe. Et bien, aujourd'hui, il y en a qui veulent faire plaisir aux kuffars. Ils disent, bon, par exemple, les kuffars, ils sont contre ça, ils veulent mettre une loi, donc on va leur faire plaisir, on va les satisfaire, on va leur dire que ça n'existe pas dans l'islam. Alors qu'il y a des textes clairs dans le Coran et dans la Sunna qui mentionnent le niqab. C'est clair. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث صحيح ده صحيح البخاري. Et il mentionne que la femme qui est dans l'ihram, c'est-à-dire quand elle va faire le hajj, elle ne doit pas porter le niqab. Elle ne doit pas porter les gants. Si le niqab n'existait pas dans l'islam, et s'il n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de ne porter pas le niqab dans l'ihram? C'est une preuve que le niqab il existe. Et les ulama, ils ont expliqué ça. Et quand on lit l'explication des ulama, là, ça rajoute encore plus de preuves à ce sujet-là. C'est comme par exemple le fait que les ulama ont dit, quand elle ne porte pas le niqab al-ihram, ça ne veut pas dire qu'elle montre son visage quand même, mais elle va couvrir son visage avec autre chose que son niqab. Et ils expliquent que l'ihram de l'homme, c'est de ne pas porter des vêtements cousus, de porter un lézard avec un rida, c'est-à-dire que l'homme va porter quelque chose sur ses épaules, puis quelque chose autour de sa taille. Ça, c'est son ihram. Il n'a pas le droit de mettre des vêtements cousus. Et il n'a pas le droit de couper ses cheveux, de couper ses ongles, etc. Donc, ça, c'est par rapport à l'ihram pour l'homme. L'ihram pour la femme, c'est uniquement dans son visage, dans ses mains. Dans le sens qu'elle n'a pas le droit de porter un morceau qui est fixé sur elle, c'est-à-dire un morceau de tissu qui est fixé ou attaché à son visage ou à ses mains. Sauf que, on a vu dans l'exemple des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des épouses des sahaba qu'elles couvraient leur visage lorsqu'il y avait des hommes qui étaient proches avec leur djilbab, avec leurs vêtements. Elles mettaient ça sur leur visage en présence des hommes pour pas que les hommes voient leur visage et elles cachaient leurs mains avec leurs manches. Ils rentraient leurs mains dans leurs manches comme ça, pour cacher leurs mains, au lieu de porter des gants. Donc ça c'est une explication que les ulama ont montré, pour dire que, et même il y a un hadith de Aïcha à ce sujet-là, les cavaliers, les hommes sur leur monture, ils passaient proche de nous lorsqu'on faisait le tawaf avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils approchaient de nous, on couvrait nos visages avec nos vêtements, avec notre djilbab, et quand il s'éloignait, on le découvrait. Donc ça c'est pour dire que, c'est quelque chose qui existait, le fait de couvrir le visage, déjà à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après par la suite aussi. Et même, les koufars ils le savent, quand ils ont envahi les pays musulmans dans la colonisation, ils ont trouvé que les femmes se couvraient le visage. Et c'est quelque chose qui était pratiqué dans tous les pays arabes. Pas seulement l'Arabie Saoudite comme aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah, c'est une minorité, c'est juste l'Arabie Saoudite qui le pratique. » Ça se pratiquait en Égypte, ça se pratiquait en Tunisie, en Libye, au Maroc, en Algérie, partout même. Il y a des images même, on voit dans certaines vidéos, où on voit en Tunisie, il y a un homme qui était à une certaine époque, je ne vais pas mentionner son nom, vous savez c'est qui, il retirait lui-même avec sa main les voiles sur le visage des femmes. Et il leur disait, émancipez-vous, enlevez vos voiles. C'est pour dire, les femmes étaient voilées. Et on leur a enlevé ce voile-là. Soit, comme certains ulama ils ont expliqué, c'est pas les Français ou les Anglais ou les colonisateurs qui ont enlevé le voile aux femmes musulmanes. C'est les autres après eux, parmi les gens qui se disaient musulmans, mais qui avaient une mauvaise compréhension des termes ou une mauvaise aqidah, qui ont appelé les femmes à enlever leur voile. C'est parce que quand quelqu'un, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Hum min bani jildatina wa takallamuna bi alsinatina » Ils disent, c'est des gens qui appellent aux portes de l'enfer vers la fin des temps, des gens qui vont appeler aux portes de l'enfer. Du'atun ala abwabi jahannam. Et les gens qui appellent au port de l'enfer, ils sont de notre peuple et ils parlent notre langue. C'est-à-dire, quand quelqu'un il vient d'ailleurs et il t'appelle à l'égarement, tu vas prendre tes réserves. Tu sais que c'est quelqu'un d'étranger, donc tu ne lui fais pas confiance. Mais quand c'est quelqu'un de même peuple que toi, tu parles la même langue que toi, tu lui fais confiance. Alors qu'il est en train de t'appeler au port de l'enfer. Eh ben, c'est ça ce qui est arrivé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ces hommes-là sont arrivés, ils sont de la même nation, ils s'expriment dans le même accent, hein, même dialecte, même langue du peuple, hein. Et puis ils appellent les gens, maintenant ils disent, ok, enlevez le voile, ça c'est fini maintenant, ça c'était avant, c'est ancien, maintenant ça y est, c'est fini, soyez évolués comme l'Europe, l'Occident, etc. Donc, ça c'est pour expliquer qu'il y a des gens comme ça qui appellent à l'égarement. Et puis c'est pour ça que on reconnaît les vrais ulama par le fait que ce sont des gens qui disent toujours la vérité. Ils ne vont pas rendre halal ce qui est haram, ils ne vont pas rendre haram ce qui est halal. Hein? Et vous allez voir par exemple maintenant, il y a des gens qui font des fatwas pour dire aux musulmans qu'ils peuvent acheter des maisons avec riba. Et que le riba, dans certaines situations en Europe, c'est une question de nécessité. Puis ils essaient de jouer avec ça pour que les musulmans rentrent dans le riba. Hein? Et ils vont essayer de dire même qu'aujourd'hui, bon, si la femme veut aller à l'école et qu'elle n'a pas le choix, donc elle doit enlever son djilbab, doit enlever son voile. Et ils vont dire maintenant qu'elle doit se découvrir le visage si ils l'interdisent. Ou bien, allez, chaque fois que les koufars vont rendre quelque chose de difficile par rapport à la religion, eux, ces soi-disant ulama vont dire aux gens, c'est pas grave, c'est permis. Et il y en a qui sont allés tellement loin dans ça qu'ils ont dit par la suite que la loi dans les pays non musulmans, c'est la charia pour vous. C'est-à-dire la loi des koufars, elle devient la charia pour vous, ça c'est grave. La charia c'est la loi d'Allah, c'est la révélation d'Allah, c'est le Coran et la Sunna. Hein? Et quand on dit que quelque chose fait partie de l'islam, ça veut dire qu'il existe dans le Coran et dans la Sunna. Et qu'il n'a pas été abrogé, il est dans l'islam. Non. Celui qui le nie, qui nie que ça fait partie de l'islam, c'est comme s'il nie le Coran et la Sunna. Et de dire que la loi des koufars c'est la charia, c'est comme si tu es en train de dire que cette loi-là, elle est révélée par Allah. Donc tu attribues à Allah quelque chose qui est faux. Et ça implique de rendre halal ce qui est haram et de rendre haram ce qui est halal. Et ça c'est grave, c'est koufre. Hein? Et donc, tous ces gens-là maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train d'appeler les gens? Ils disent qu'il faut respecter les lois des koufars quand tu es dans leur pays. En fait, nous les musulmans, on respecte la loi de l'islam. Si on vole pas, c'est pas parce que la loi française nous dit « ne volez pas ». Nous, on vole pas, c'est parce que Allah nous interdit de voler. Hein? Nous, on va pas faire casser les biens des gens. On va pas leur faire du mal, leur faire du tort, les frapper, les tuer et des choses de ce genre, parce que c'est quelque chose que Allah nous a interdit de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est haram pour nous, les musulmans. Hein? Et on doit respecter la vie et les biens et les personnes des gens, ne pas les insulter, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait par rapport à l'islam. Si on ne va pas faire des fausses déclarations ou mentir, ça, c'est parce que l'islam nous interdit de mentir. C'est pas parce qu'on le fait par rapport à la loi. Hein? La preuve, si la loi elle nous dit que si la loi française nous dit qu'un homme a le droit de marier avec un homme, nous on dit non, ça c'est interdit, Dieu l'a interdit, on rejette cette loi, on n'y croit pas, et on n'a pas le droit en tant que musulman d'être d'accord avec ça. Hein? Donc pour nous, la loi de la France c'est pas la charia pour nous, parce que la loi de la France elle dit que ça c'est des choses permises, et nous on est contre ça parce qu'on est des musulmans. Donc pour nous la charia c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et il y en a qui essaient de faire croire aux musulmans que la charia, c'est les livres de fiqh, et les divergences entre les ulama, et les différentes ijtihadat. Ça, c'est pas la charia. La charia, c'est la révélation d'Allah, c'est le Coran et la Sunna. Mais là, les ijtihadat, les efforts de jugement des ulama, les divergences qu'ils ont entre eux, ça, c'est des choses qui ont été déduites par les efforts, hein, des efforts d'analogie faits par des savants, des êtres humains. Ils peuvent se tromper comme ils peuvent avoir raison. C'est pas ça la charia. La charia d'Allah, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. C'est la révélation. Et c'est l'ijma des salafs aussi. Le consensus des sahaba et ça c'est qu'est-ce qu'on dit, ça fait partie de la révélation d'Allah. Mais les ijtihad, les autres affaires, ça c'est pas la charia elle-même. Donc, on ne peut pas prendre dans les livres de fiqh ou dans les madahib, une position qui est en accord avec notre passion parce que ça nous facilite les choses, soi-disant. Si c'est contraire au dalil, on le prend pas. On doit prendre uniquement qu'est-ce qui est en accord avec le dalil. Donc, il y a des livres comme un livre qui s'appelle Al-Halal ou Al-Haram fil Islam. Ce livre-là, dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses, haram, qui sont déclarées halal. Et ça, c'est un exemple d'individu ou de livre qui appelle les musulmans à suivre leur passion et qui veut, hein, leur ouvrir la porte vers le mal. Et il y a beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui qui utilisent ce genre de livre pour, yani, disons, permettre les musulmans à rentrer dans le haram. Donc il faut faire attention à ce genre de livre-là. Et alhamdoulilah, il y a des ulama qui ont réfuté ce livre. Comme Cheikh Al-Fawzan lui-même, il a écrit un livre pour réfuter ce livre-là. Et d'autres savants aussi l'ont réfuté. Donc ça, c'est un exemple. Donc le Cheikh, il dit, il y a des gens qui utilisent toutes sortes de ruses, hein, des jeux de mots, des ruses pour faire plaisir aux gens, pour déformer la réalité de la religion. Et il dit, yaltamisoun al-ruhas. Yaltamisoun al-ruhas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, al-ruhas, c'est les permissions. Les choses qui sont permises de la part de certains ulama, parfois ils donnent ce qu'on appelle une ruhsa. Cette ruhsa, si elle n'est pas basée sur la charia, on n'a pas le droit de la prendre. Une ruhsa, c'est quoi? C'est comme par exemple, quand tu es en voyage, tu peux raccourcir tes prières. Au lieu de faire 4 rak'at pour le asr ou pour le dhuhr ou pour l'isha, tu vas faire 2. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle ruhsa. Mais il y en a des ulama, des fois, certains ulama qui sont mauvais, qui sont des ulama de bid'a, ou des gens qui ne suivent pas la sunna, ou qui sont loin de la sunna, ou qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils vont essayer de donner aux gens des ruhas qui ne sont pas dans la charia. Ils vont leur permettre de faire des choses qui ne sont pas dans la charia, pour leur faire plaisir, ou bien pour mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour rendre halal, ou pour rendre haram, ou pour l'intérêt d'un tel ou d'un tel. C'est comme s'ils pensent que, c'est comme s'ils agissaient comme si la charia, ça lui appartient, et puis ils veulent faire un spécial à quelqu'un. Ah, toi t'es cool, t'es correct, je te fais un petit spécial. Aujourd'hui, là, tu peux prier à 4 seulement, au lieu de faire 4. Hein? Ça, c'est pas comme ça. La religion, ça nous appartient pas. C'est pas à nous. Des fois, il y a des gens, quand ils viennent te poser une question par rapport à l'islam, il te fait un visage de pitié, et puis il te raconte l'histoire d'une façon tellement triste, comme s'il essaie de t'amadouer pour que tu lui dises « Ok, vas-y, fais-le ». Mais subhanallah, cette religion-là, c'est pas pour nous. Hein? On peut pas permettre quelque chose à quelqu'un pour lui faire plaisir ou parce qu'il a des difficultés. Hein? Et que ce soit des hommes ou des femmes, des fois tu les vois, ils appellent « Ah, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai ça, est-ce que je peux faire ça ?» Il attend, on dirait qu'il veut que tu lui dises « Ok, vas-y, t'as de la difficulté, j'ai pitié pour toi. » Mais c'est pas notre droit de faire ça, de rendre halal ou haram déjà par rapport à notre pitié ou nos désirs ou nos passions, non. C'est quelque chose qui a rapport avec la religion d'Allah. Donc cette personne, on lui répond, on lui dit, voici ce qu'Allah a dit, voici ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Maintenant, sois patient et sois ferme dans ta religion. Je demande à Allah de t'aider. Hein? Je ne peux pas te donner de permission spéciale. Hein? C'est pas comme les choses de la dunya. Hein? Donc le cheikh, il dit, ha'ula'i hum fasaqatu ulama. Ce sont eux les mauvais ulama. Ils se laissent prendre par la pitié ou par les passions, des choses de ce genre. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. Et le fasiq, c'est la personne qui est sortie de l'obéissance d'Allah سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار هذا وهذا نداء للمؤمنين للتحذير. والأحبار هم العلماء وغالبا يطلق على علماء اليهود والرهبان هم العباد وهذا في الغالب يطلق على عباد النصارى فالرهبنة في النصارى والعلم في اليهود ولكن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم أهل العلم بدون عمل وهم فسقة العلماء ولا الضالين الرهبان من النصارى وغيرهم الذين يعبدون الله على غير دليل وعلى غير برهان وإنما يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات والله نهانا عن العلماء الفسقة والعباد الضالين وأمرنا أن نأخذ الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشيخ يزيك الله سبحانه وتعالى يزيك que vous, de nombreux parmi les, pour vous qui avez cru, sachez que nombreux parmi les rabbins, le mot qu'on utilise pour dire les rabbins dans le Coran, c'est al-ahbar, et c'est le pluriel de hibr, et on l'utilise pour désigner les ulama, les savants, ok? Et dans ce verset-là, il y a un avertissement pour les croyants au sujet des ahbar, sujet des rabbins. Et en général, on l'utilise pour les savants, parmi les savants juifs, parmi les juifs. Et ruhban, c'est le pluriel de rahib, c'est quelqu'un qui est un moine, quelqu'un qui est un adorateur, quelqu'un qui délaisse la dunya, qui se concentre juste sur la prière, le jeûne, la lecture des livres saints et des trucs de ce genre. Donc on les appelle souvent des ruhban en arabe. C'est les adorateurs parmi les chrétiens. Ils s'en vont s'enfermer dans des monastères et ils restent là-bas toute leur vie. Ils font juste que la prière seulement, tout le temps. Hein? Et donc, ça c'est souvent on utilise comme on dit, Rahbana c'est pour les chrétiens, puis les juifs, on les désigne comme par le terme Al-Ahbar, donc les savants parmi les juifs. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les chrétiens sont les égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande dans chaque rak'a quand on fait la prière, de nous guider sur le droit chemin. Hein? On demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Le chemin est de ceux qui ont reçu ou qui ont été dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la voix des gens qui ont encouru la colère d'Allah, ni des égarés. Ceux qui ont eu la grâce d'Allah, الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont la science et qui ont la pratique aussi. Ils ont la science et ils ont la pratique de la science. Et الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont ceux qui ont la science mais qui n'ont pas la pratique. Ils savent la religion bien, connaissent bien la religion, mais ils font le contraire de la religion. Hein? Allah musta'an, ça c'est grave. Et il y a ceux qui sont par exemple le contraire des juifs ou de ceux qui ressemblent aux juifs, ceux qui n'ont pas de science. Ils ont beaucoup de pratiques religieuses mais ils n'ont pas de science. Et ceux-là sont les moines parmi les chrétiens et d'autres également. Donc ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala mais ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de base, ils ne se basent pas sur des références. Et donc, ils adorent Allah par des innovations, par des inventions, par des superstitions, par toutes sortes de choses qu'ils ont inventées eux-mêmes. Hein? Et ça, on le retrouve chez les musulmans, comme on a dit, parmi les soufis et les gens de Bid'a en général. Ils font des choses qui n'existent pas dans l'islam, mais ils les pratiquent comme étant des choses religieuses. Et Allah nous a interdit de suivre les savants qui ne pratiquent pas, ou qui ne suivent pas la connaissance qu'ils ont, et il nous a interdit également de suivre les gens qui sont des adorateurs, mais qui sont égarés. Et il nous a ordonné de nous accrocher à la vérité, qui est supportée par la preuve du Coran et de la Sunna, du messager sallallahu alayhi wa sallam. والآن, إذا صار للواحد رغبة في شيء, قال هذا أفتى به فلان دون نظر إلى مستنده إلى الكتاب والسنة تقول له هذه الفتوى خطأ يقول ما علي ما دام قد أفتى به فلان فإذا صارت الفتوى لا توافق هواه قال هذه الفتوى ليست صحيحة أو متشددة، صاروا يجمعون طرهات وأخطاء العلماء ويجعلونها في كتاب ويظهرونه للناس من باب التوسعة على الناس لزعمهم، ويقولون دين الإسلام سمح، سمح ولا تضيقوا على الناس، وإذا قيل لهم اعرضوها على الكتاب والسنة قالوا هذا كلام العلماء، وهل العلم أكبر من الكتاب والسنة؟ فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة، فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة. سبحان الله، هذا إنما يفعله أهل الأهواء والعياذ بالله، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا نهوا عن البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح، يعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقوى، ونقول الصلاح والتقوى لا يكفيان، لا بد من موافقة الكتاب والسنة. فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة، وهي طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Le cheikh il dit aujourd'hui, tu trouves que quand quelqu'un il veut suivre sa passion, il veut satisfaire son désir, il dit un tel, il a fait la fatwa, il a dit que c'était correct, donc j'ai le droit de le faire. Mais il ne retourne pas pour savoir sur quoi il se base. Est-ce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna? Il vérifie, il ne veut pas vérifier. Il veut juste dire ça c'est correct parce que c'est en accord avec mes désirs. Et on lui dit, cette fatwa, elle est incorrecte, elle est erronée, elle est fausse. Il dit, ah, ça c'est pas mon problème. Du moment que quelqu'un, il a donné la fatwa, il a dit que c'est correct, donc moi je le fais. Il y en a même qui pensent que ça y est, s'il a fait la fatwa, c'est-à-dire, c'est lui qui va être puni si je le fais, c'est pas moi. Non, toi aussi tu vas être puni si tu le fais, si tu sais qu'il est dans l'erreur, puis que tu le fais quand même. Si t'es ignorant, ça c'est autre chose. Mais si tu n'es pas ignorant, tu sais qu'il est dans l'erreur, puis que tu le fais quand même, là tu vas être puni avec lui. Et donc, le chef il dit, si la fatwa, elle n'est pas en accord avec sa passion, il va dire, ah ça c'est pas une bonne fatwa, ou bien cette fatwa elle est trop dure, ça c'est des fatwas des gens extrémistes ou durs dans la religion. Et quand c'est en accord avec sa passion, même si elle est fausse, il la prend. C'est l'exemple des gens qui suivent leur passion. Et donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Toutes les erreurs de certains savants ou de certains gens qui font des fatwas, ils réunissent toutes leurs erreurs dans un seul livre pour que les gens puissent les lire. Comme le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Al-Halal ou Al-Haram fait l'islam ou des choses comme ça. Donc, ils veulent ouvrir les portes aux gens, faciliter soi-disant les gens, pour leur donner le choix, il faut leur donner le choix. Il y en a dans certains forums, dans les sites internet, qu'est-ce qu'ils font quand quelqu'un écrit « est-ce que ça c'est permis dans l'islam ?» Il y en a qui ramènent toutes les différences d'opinion sur la question. « Ah, un tel a dit que c'est permis, un tel a dit ça que c'est comme ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. » Après, toi t'es là devant ces différentes positions-là, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de Sunna mentionnée. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pile ou face? Comment tu vas juger? Si tu n'as pas d'ilm. Alors, c'est ça le danger de ces sites internet parfois. Et ils pensent qu'en faisant ça, on a été juste et honnête. On a montré à tout le monde les différentes positions. Et donc, toi, tu choisis selon qu'est-ce qui va te rendre plus facile les choses. Et le cheikh, il dit que ça c'est incorrect d'agir de cette façon-là. Il dit, il faut ramener les opinions des ulama et les divergences et toutes ces choses-là au Coran et à la Sunna. Et les mettre à côté du Coran et de la Sunna pour voir est-ce que c'est correct. Eux, ils disent, non, ça c'est la parole des ulama. Le cheikh, il répond, il dit, est-ce que ce savant, il est plus important que le Coran et la Sunna? Est-ce qu'il est au-dessus du Coran et de la Sunna? Pour qu'on puisse pas ramener ses paroles au Coran et à la Sunna. Donc c'est ça. Il y en a qui, quand ça fait leur affaire, et ils élèvent les savants au-dessus du Coran et de la Sunna, puis quand ça ne fait pas leur affaire, eh bien, ils rabaissent le savant, hein, parce que, soi-disant, c'est pas en accord avec eux, ou ils disent que c'est trop dur, ou des trucs de ce genre. Et ça, c'est grave. وهذا إنما يفعله أهل الأهواء والعياذ بالله الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ceux qui agissent comme ça, c'est les gens de la passion, les gens qui suivent leur passion, car Allah nous préserve de la passion. Hein, ceux qui ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des égaux, comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu les avertis ou tu leur interdis de faire une bid'a, que le prophète s'en est averti de faire, hein, eh bien, eux, ils disent, oui, mais un tel, il l'a fait. Et ça y est, maintenant, il y a des gens qui agissent comme ça, maintenant. Ils vont voir, surtout avec les chaînes satellites. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé même maintenant en Arabie Saoudite. Les gens ont vu que, beaucoup de gens, même, je me souviens, j'ai entendu des Saoudiens, quand j'étais dans l'avion, une fois, je m'en allais en Arabie Saoudite, et il y en a un Saoudien qui disait, ah, nous, nos savants, ils sont trop durs. Hein? Je préfère les savants de d'autres pays, sont plus, hein, comprennent mieux, ils sont plus ouverts, soi-disant. Hein? Pourquoi? Parce que ils ont compris avec les satellites que dans d'autres pays, il y a des gens qui font des fatwas qui satisfont les désirs des gens. Et souvent dans ces pays-là, dans les autres pays musulmans, dans l'Arabie Saoudite, c'est des gens qui vivent dans des sociétés où il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction avec l'islam. Hein? Et donc, les gens ont tendance à être plus permissifs, à laisser passer beaucoup de choses qui sont haram ou qui sont dangereuses. Tandis que les ulama en Arabie Saoudite, ils sont plus fermes, plus stricts. Pourquoi? Parce que déjà leur société, elle est protégée par beaucoup de règles et de principes islamiques. Donc ils sont plus stricts. Hein? Et par exemple, ils n'ont pas à répondre à une question sur, par exemple, l'alcool dans la rue. Hein, de dire, ah, il y a un magasin où ils vendent de l'alcool au coin, qu'est-ce que je fais? On n'a pas besoin de poser ces questions-là en Arabie Saoudite parce qu'il n'y en a pas de magasin d'alcool. Hein. On n'a pas besoin de poser la question, moi je suis dans une école mixte et il y a des filles dans ma classe et puis qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi il n'y a pas d'école mixte? Hein. Donc la mixité c'est interdit. Donc ces questions-là ne se posent pas. Mais dans d'autres pays, c'est partout. Donc c'est sûr que là les gens ils vont entendre ces fatwas-là ou ces choses-là, ils vont dire, ah mais nos savants à nous ils sont stricts, ils comprennent pas le contexte. Hein. Et aussi c'est que maintenant il y en a qui ont ouvert cette porte de dire que un tel il le fait. Il y en a qui voient par exemple un cheikh à la télé, dans les satellites, il rase sa barbe, soit dit ça. Donc les gens disent, ah, lui, ça veut dire que c'est permis de le faire parce que lui, il le fait. Hein? Ou bien des fois, même l'imam de ta mosquée, il rase sa barbe. Donc tu dis, ben, si lui, c'est lui le cheikh, c'est lui qui nous donne le ilm. Il dit, qala Allah, qala Rasulullah, il nous parle de Jannah, il nous parle de Nar et tout. Et puis, il rase sa barbe. Donc moi, qui je suis, hein, à côté de lui, je suis rien. Donc moi, dans ce cas-là, moi aussi, je peux faire ce qu'est-ce qu'il fait lui aussi. Parce qu'il me donne l'exemple à suivre. Et donc, maintenant, il y en a des gens qui se basent sur les actions des gens pour rendre halal ou haram, ou pour dire que c'est bid'a ou sunnah. Donc, ils disent, un tel, il le fait, donc c'est un savant, donc il est pieux, donc c'est permis de le faire. Ou des gens de tel pays, ils le font. Hein. Il y en a qui disent, ah, oh, ben, je suis allé en Arabie Saoudite pour le hajj ou pour l'umra, et j'ai vu des Saoudiens qui faisaient ça, donc c'est halal. Non. C'est pas une référence. Tu peux voir des Saoudiens qui vont faire des choses qui sont péchées. Hein. Et le fait qu'ils le font, ça ne veut pas dire que c'est permis. Il y en a qui disent, ouais, je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai vu telle ou telle chose là-bas. Hein. Donc ça veut dire que c'est permis. Non, c'est pas une référence. Hein. La référence, c'est le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que Allah il dit et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ça la référence. Et le cheikh il dit, naqul, as-salah wa taqwa la yakfiyan. لابد من موافقة الكتاب والسنة. Donc, c'est pas juste de dire que des gens sont pieux ou ils sont déjà religieux. Non, il faut que leur piété et leur bien, leur religion soit en accord avec le Coran et la Sunna. Ce n'est pas juste comme ça une piété en apparence. Hein. Et le chef dit donc de prendre les paroles des ulama et des adorateurs, pour eux, c'est, pour les gens de la Jahiliyyah, c'est quelque chose d'accepté. Sans les mettre sans les comparer ou sans les placer devant le Coran et la Sunna pour savoir si elles sont correctes. Donc ça, c'est la voie des gens de la Jahiliyyah. Ils suivent leur passion de cette manière. Ils prennent les paroles des ulama et ils suivent les exemples des adorateurs et ils ne prennent pas la référence de la révélation. Donc ça, c'est l'exemple de ceux qui ont pris leur rabbin et leur moine comme des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très dangereux. Ensuite, le point ensuite, c'est le point numéro 10. Parmi les masa'il de la jahiliya, le shaykh dit « Ramyuhum ahlubdin biqillati fahmihim wa adami shifzihim » Al-mas'alatul ashira. Donc ça, c'est le point numéro 10, que les gens de la jahiliya, ils accusent les gens qui pratiquent la religion d'avoir peu de compréhension et de ne pas avoir de pas bien mémoriser les choses. Donc il dit al-istidlal 'ala butlan ad-din biqillati afham ahlihi wa 'adami hifzihim kaqawlihi aw kaqawlihim badi ar-ra'y. OK. Ça c'est qu'est-ce qu'il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, il dit, il se base sur le pour juger de la fausseté d'une religion, sur le fait que les gens qui suivent cette religion-là n'ont pas beaucoup de compréhension des choses, ou bien qu'ils ont peu de mémoire. Et ça s'exprime dans l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne en citant ces gens-là parmi les peuples de Noé, qui accusaient les gens qui avaient suivi Noé de faire partie des gens qui sont parmi les plus bas ou les moins puissants, les moins forts, ceux qui sont pas très éduqués dans la société. Donc ils critiquaient le peuple de Noé. Le peuple de Noé critiquait les gens qui ont suivi Noé de cette manière-là. Ils disaient badi Allah, c'est des gens qui sont faibles, des gens qui n'ont pas beaucoup de compréhension, des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Et c'est comme ça qu'on les blâmait. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit mimma zakarahu Allah an qawm Nuh, qawluhum ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna. Ay ad-du'afa. Badi ar-ra'y, ay alladhina laysa 'indahum fahm, فعير فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم فهم ولا حذق للأمور ولا عندهم أي نظر أو ما عندهم بعد نظر. Est-ce que tu as la traduction du Coran? Comme ça, je vais citer tout le verset au complet. Je pense qu'il est là derrière toi. Ah. C'est pas grave, tu peux le prendre. Parce que c'est pas le Coran, c'est la traduction. Et si tu prends, si c'est le tafsir, ou si c'est la traduction, tu peux le toucher même si t'as pas le wudu. Qu'est-ce que tu peux pas toucher quand t'as le wudu? Et là, même là-dessus, il y a divergence. Mais qu'est-ce que tu peux pas toucher quand t'as pas le wudu? C'est le mushaf, qui est seulement le Coran. Que en arabe, mais même si c'est en arabe, si c'est le tafsir qui est mélangé avec, et il y a plus que d'autres choses que la parole d'Allah dedans, dans ce cas-là, c'est pas condition pour le toucher d'avoir le wudu. Si c'est traduction française ou arabe, ou si c'est arabe avec l'explication en arabe dedans, qui est le tafsir, ça aussi c'est pas considéré comme le mushaf. Et donc tu peux le toucher. Il faut que ce soit que le Coran. Si c'est le Coran, mais qu'il y a d'autres choses que le Coran avec, dans le livre, comme par exemple le tafsir, mais qu'il est en arabe, même s'il est en arabe, c'est pas considéré comme le mushaf, c'est pas considéré comme le Coran. Non, ça aussi c'est pas considéré comme le Coran. Donc, oui c'est ça. Donc, si dans le livre il y a autre chose que la parole d'Allah mélangée avec, donc c'est pas le Coran. D'accord? Donc dans ce cas-là, tu peux, même si c'est une explication qui est dans la même langue que le Coran, tu vois? Et si c'est dans une autre langue, encore plus, tu peux le toucher, même si tu n'as pas le wudu. D'accord? Donc, le verset, c'est le verset 28 dans Surat Hud. Et ça, vous allez voir, c'est un point très important et intéressant aussi. Dans le verset 27, الله سبحانه وتعالى يجي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Donc ça c'est le verset, les versets qui parlent de ce sujet-là au complet. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, les notables de son peuple, comme de Noé, qui avait cru, dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous voyons que ce sont seulement les villes, hein, c'est-à-dire les faibles parmi nous, qui te suivent sans réfléchir. Ils les accusent de ne pas réfléchir, de ne pas comprendre, hein. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, que vous en semble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, une prophétie échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, parce que eux, les riches ou les hauts placés de la société qui rejetaient la parole de nous, ils critiquaient les faibles et les pauvres qui croyaient à nous. Et c'est comme s'ils exigeaient à nous de les rejeter. En voulant dire, si tu les chasses ou si tu les rejettes, nous on va te suivre par la suite. Mais tant que eux, ils sont là, ces faibles-là, ceux qui ne réfléchissent pas, nous on ne veut pas te suivre. Donc, il dit, je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve déjà ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et si je vous dis, et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'inconnaissable, je ne connais pas l'invisible, rêve, et je ne dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, c'est-à-dire les gens qui ont suivi nous, et que leurs yeux méprisent, hein, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes, et si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Donc on voit les paroles de Noé, de Nuh, alayhi salam, et on voit les paroles de son peuple, comment ils ont répondu, hein. Et le cheikh, il dit que, donc, ils les ont traités d'être des aradil. Elle est déjà, un razil, là, c'est quelque chose qui est vil, qui est bas, qui est faible, et d'être des gens qui ne réfléchissent pas. Regardez aujourd'hui le cheikh, qu'est-ce qu'il dit après. لهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر وينتقصونهم بهذه الفرية مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. الشيخ يقول هذا هو ce que beaucoup d'entre les pervers aujourd'hui, les ennemis d'Allah, ils disent aujourd'hui à propos des musulmans et à propos des savants parmi les musulmans. Ils les accusent d'être des gens qui n'ont pas de compréhension, qui n'ont pas de vision, qui sont des gens faibles d'esprit, faibles, hein, qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, et ils les rabaissent de cette manière-là. Et aujourd'hui, vous allez voir, en particulier ici, chez les gens de Bid'ah, les Soufis et les Ikhwan, eux qui font des hautes études des fois, ce n'est pas pour dire que les hautes études c'est interdit, au contraire, alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien, mais eux ils justifient leur contradiction de la Sunna par le fait qu'ils font des hautes études. Et comme si le fait de faire des hautes études, ça c'était une excuse pour contredire le Coran et la Sunna. Hein? Ça c'est pas correct, mais eux, c'est ça ce qu'ils utilisent comme exemple. Et le fait qu'ils s'expriment bien en français, ou bien qu'ils ont des diplômes, ou qu'ils ont des hautes études, ils pensent que ça les met au-dessus des ulama, et au-dessus du Coran, et au-dessus de la Sunna. Et après, ils méprisent et ils dénigrent les savants de l'islam, qui connaissent que le Coran et la Sunna. Mais le Coran et la Sunna, c'est la base. Et eux, ils savent beaucoup de choses dans les choses de la dunya, mais ils ignorent la religion. Et ils veulent, à partir des connaissances qu'ils ont acquises de la dunya, se mettre au-dessus des ulama de l'islam et au-dessus du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est grave. Et quand ils parlent des salafis, ils disent quoi? C'est des jeunes de banlieue, ils ne savent pas parler français, ils ne sont pas éduqués, c'est des gens faibles d'esprit, des choses de ce genre. Ils n'ont pas de diplôme, etc., ils n'ont pas de travail. Donc, ils les dénigrent et ils les méprisent. Comme Allah nous mentionne, le peuple de Noé, qu'est-ce qu'il faisait avec les gens qui ont suivi Noé? La même attitude. Et ça, c'est des gens qui, aujourd'hui, par exemple, se disent musulmans et qui suivent les groupes comme les groupes de tendance, comme les Ikhwan Muslimin et tout. Ils parlent aux koufars, ils disent, oui, ça c'est des gens qui connaissent rien, les salafis, c'est des gens pas éduqués. Nous, on est des bons musulmans, on est bien éduqués, on a une bonne connaissance de ça, et de la dunya, et de la culture et tout. Et puis, on sait s'exprimer, on parle bien français. Hein, des exemples que vous voyez souvent à la télé, des prêcheurs, soit des islamiques qui parlent de toutes sortes de choses sauf de l'islam. Hein. Ils sont des du'ats, soi-disant des gens qui appellent à l'islam, mais ils parlent de tout sauf de l'islam. Et jamais tu les entends, presque jamais tu les entends citer une ayah dans le Coran ou un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand ils parlent. C'est comme si pour eux on peut parler de l'islam, mais sans jamais parler d'islam. Donc ça c'est l'exemple de ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous décrire leur attitude et leur comportement. Et moi, même à Montréal, j'ai vu des gens qui utilisent ce langage-là. Et quand ils parlent des gens qui suivent la sunna, ils les méprisent avec leurs paroles. Et ils disent d'eux, en parlant d'eux comme si c'est des gens qui savent rien, qui comprennent rien. Et quand ils parlent des ulama qui suivent la sunna et le Coran, ils parlent d'eux comme étant des gens qui sont, des gens rétrogrades, réfractaires, réactionnaires, ou d'autres termes qu'ils utilisent, obscurantistes, ou plein d'autres mots qu'ils utilisent pour décrire les ulama, pour les rabaisser. Et vous allez voir d'autres exemples de ça dans les paroles du cheikh ici. Donc il dit, ils vont dire par exemple que parce que nous on ordonne ce que Allah ordonne et qu'on interdit ce que Allah interdit, ils vont nous accuser d'être des gens qui ne comprennent pas la réalité de la vie, hein, qu'on n'a pas de compréhension de la réalité dans laquelle les musulmans vivent. Eux, ils rentrent dans la démocratie, ils rentrent dans la politique, les élections, les trucs comme ça, parce qu'ils se pensent intelligents, ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam, hein, et ils critiquent ceux qui interdisent ces choses-là. Ils disent, ah, vous ne comprenez pas la politique, vous ne comprenez pas la vie, vous ne comprenez pas l'économie, vous ne comprenez rien. Donc, le cheikh dit, voilà, chaque anna l'ulama al-amilina هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف لينفر الناس عنهم وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم ويقولون هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس وعلماء أحكام الاستجمار وعلماء الجزئيات ولا يعرفون فقه الواقع وفقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة والثورة على الولاة الشيخ الزي يبدد لعلماء sont meilleurs parmi tous les sont les meilleurs de tous les hommes après les messagers d'Allah alayhi salatu wa salam et le mérite ou l'excellence du savant sur les adorateurs c'est comparable à au mérite ou à l'excellence de la lune par rapport à toutes les étoiles la lune elle est plus brillante et plus grosse que toutes les autres hein, dans le ciel la nuit donc c'est ça le mérite du savant par rapport à, aux adorateurs qui n'ont pas de ilm. Et donc, personne ne va dénigrer ou rabaisser les ulama ou les accuser d'avoir un peu de compréhension ou peu de vision, excepté des gens qui suivent l'exemple des gens de la Jahiliya. Comme par exemple, les gens du peuple de Noé qui décrivaient les gens qui suivaient leur messager de ces descriptions de mépris et de rabaisser les rabaisser par toutes sortes de termes qui sont dénigrants, hein, pour faire fuir les gens d'eux. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui encore. Hein. Ils disent, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la langue des gens aujourd'hui, sur la langue des gens aujourd'hui. Ils disent cela, en parlant des ulama, ils disent cela c'est des savants, ils connaissent que les sangs des femmes, les sangs des menstruations, les écoulements des femmes après l'accouchement, ou bien des ulama qui savent juste les règles, comment s'essuyer quand on va aux toilettes. Ou des ulama qui connaissent juste les détails de la religion, mais ils ne comprennent pas la réalité du monde actuel. Et c'est quoi la réalité du monde actuel pour eux? La réalité du monde actuel pour eux, c'est juste de connaître les affaires politiques et les révoltes contre les dirigeants. C'est ça pour eux les choses du monde actuel, et c'est de ça qu'ils veulent que les savants parlent tout le temps. Mais quand on explique aux gens les règles de la pureté, les règles de l'application de la religion, comment se purifier, comment la femme va se purifier quand elle a ses règles, subhanallah, eux ils dénigrent les ulama en les appelant de cette façon-là. Alors qu'eux-mêmes, s'ils ont des problèmes sur ce sujet-là, ils sont obligés d'appeler les ulama pour demander. Hein? Quand est-ce que ma femme, elle a terminé ses règles? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des rapports avec elle? Est-ce que c'est fini ou est-ce que elle est encore dans sa période? Ils peuvent pas déterminer ça s'ils n'ont pas l'ilm de la charia. Et donc, ils critiquent les ulama d'être des savants dans ces choses-là. Et eux, ils ont besoin des ulama pour répondre dans ces questions-là. Et la même chose pour se purifier quand on va aux toilettes. Ils ont besoin des ulama. Peu importe s'il a un doctorat en physique ou en chimie ou en astrophysique ou en je sais pas quoi d'autre encore, hein, que c'est un ingénieur ou quoi, s'il a un problème, il sait pas comment se purifier ou comment sa femme doit se purifier si elle a ses règles, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il doit appeler le savant de l'islam pour se demander les réponses. Parce que lui, avec ses gros diplômes des universités, il peut pas savoir comment se purifier. Comment faire son wudu, comment se laver quand elle va aux toilettes, excepté s'il pose la question au ulama de l'islam. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais ça, c'est juste des fausses accusations. Parce qu'en réalité, les ulama, ils connaissent mieux le waqi'a. Ils connaissent mieux la réalité que ces gens-là. Mais eux, ils utilisent ces ruses-là pour rabaisser les savants et pour s'élever au-dessus d'eux et pour faire croire aux gens qu'ils comprennent mieux le monde que les savants de l'islam, pour faire fuir les gens de la science de l'islam et des ulama. Donc on va s'arrêter ici, pour ce point-là. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut tirer de ça, mais écoutez, regardez, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mentionne des points et des exemples par rapport à ces choses-là. Maintenant, vous, après, vous pouvez en trouver d'autres exemples de vous-même, dans vos expériences personnelles, ou dans vos vies, ou dans qu'est-ce que vous allez voir dans la réalité. Vous êtes capable, à partir de ces exemples-là, de comprendre d'autres choses. Quand vous allez les voir, après vous allez dire « Ah oui, ça c'est vrai, ça me rappelle tel, tel point, parmi les exemples des gens de la Jahiliya, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ?» Ça ressemble à ça. Hein? Donc, alhamdulillah, même si, ça c'est à l'époque de Noé, et ça fait longtemps, hein, et les gens parlaient comme ça, et encore aujourd'hui, les gens parlent comme ça. Donc, ça veut dire que la réalité, les choses, ils changent pas vraiment. Les apparences changent. Les noms, parfois, sont différents, mais la réalité, elle reste toujours la même. Et c'est pour ça que on doit toujours se référer, justement, à ces exemples. Et alhamdoulilah, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, quand il a fait ce livre, vraiment, il a fait un livre très bénéfique qui nous aide, justement, à comprendre toutes sortes de ruses qui se passent actuellement. Vous allez voir dans le livre, on est au point numéro 10, on a fait le point numéro 10, mais il y en a 128 comme ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, dans les paroles des gens et dans leurs comportements et leurs attitudes. Donc, on va s'arrêter ici, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, à détailler encore d'autres exemples de ça. SubhanAllah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.